Bonjour, j'ai repensé à ce qui a été dit avant par rapport aux trois principes que sont la volonté, l'amour, l'intelligence. Et on pourrait faire des séquences en considérant 1, 2, 3, volonté, 1, amour, 2, intelligence, 3, et pas pour les hiérarchiser, mais c'est que ça donne des séquences du genre. Pour des clés, pour en parler, pour se donner, bon, ça va jusqu'à l'infini, si on peut dire. Ça fait entrevoir l'infinité, parce que l'infinité, une des caractéristiques, ben, entre guillemets, une caractéristique de l'infinité, c'est le systémique, si vous voulez. Donc, si on fait des séquences comme 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Là, ça donne des clés pour le parler, si vous voulez, parce qu'on peut parler de la volonté de l'amour intelligent, la volonté intelligente de l'amour, l'amour volontaire de l'intelligence. Et ça fait entrevoir ce qu'est l'infinité au niveau là, de la systémique, si vous voulez, de ce qui est réellement l'autorégulé, cybernétique. Interplanaire, multiversel, si vous voulez, ben d'avoir des clés pour le parler différemment. Donc, par exemple, pour la volonté, si on le voit comme un mouvement qui crée de l'espace, que vous voyez l'amour, mais une des caractéristiques serait le vibratoire et l'intelligence, le systémique, là, on peut parler du mouvement, du vibratoire dans le systémique, et puis ça revient exactement au même genre de séquences qui vont, encore une fois, plus on trouve de nouvelles caractéristiques, et puis ça va encore à l'infini. C'est simplement que ça peut donner des clés pour le parler. Le parler, parce que une fois que vous définissez ces séquences-là, ben là, vous avez des thèmes très précis qui se définissent et comme le contenu est fréquentiel, ça peut engendrer de la parole, et comme ça, sans penser, sans réfléchir, sans l'intellectualiser, il y aurait moyen de faire une conférence de 16 heures de temps. Et puis, une fois que ça m'est venu là aujourd'hui, je revenais dans la ville, et puis ça m'était venu un peu avant, mais là, je le vois encore plus clairement. Et puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant là, de vous le partager. Donc, bonne journée.